La télé, c'est pas intéressant. Pour dire ça faut la regarder tout le temps. Plutôt que de voir de vraies bêtises, change de programme comme tu changerais de chemise. En visionnant un documentaire, je suis resté sur le derrière. Beaucoup d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. C'est immonde, ça fait peut-être rigoler certains, mais sûr qu'ils feraient peut-être moins les malins si leurs parents toute la journée les obligeaient à se prostituer, à travailler ou à faire la guerre pour un salaire de misère. Dans les pays peu développés, vous trouverez une majorité d'analphabètes et un public scolarisé, certes, plus ou moins chic, peu nombreux et peu féminisés, mais avec beaucoup de volonté, bien s'en sortir par tous les moyens. C'est super quand on n'a presque rien. Dans les pays riches, c'est le contraire. Tout le monde fréquente le milieu scolaire. Il y a du matériel, de la lumière. Si on ne fait pas l'école buissonnière, chez nous, ça a une grande importance d'assurer l'égalité des chances. La France respecte l'article 28 de la CIDE. Puisque l'enseignement primaire est gratuit, obligatoire depuis Jules Ferry. Pour l'enseignement secondaire, cela date du Front populaire. Quant à l'enseignement supérieur, il n'accepte pas. Pas que les meilleurs, chacun peut qu'on soit d'accord ou non, avoir droit à une orientation, qu'on soit valide ou handicapé, une éducation doit être donnée. En acceptant les différences, on révèle son intelligence.